France Inter. Comme chaque vendredi, on vous retrouve Frédéric Sigris pour savoir ce qui se passe dans la galaxie Blockbuster. Et ce matin, Mathilde, je vais vous parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui n'est pas un documentaire Mediapart sur le fond Marianne de Marlène Schiappa. Non, en effet, c'est la quatrième adaptation cinématographique de ce célèbre jeu de rôle. Tout à fait, mais alors j'insiste auprès de nos éditeurs qui aiment la vie, il ne faut absolument pas voir les trois premières adaptations sous aucun prétexte. C'est comme dans Gremlins, il y a des règles très précises, faut pas nourrir Gizmo après minuit. Là, il ne faut pas voir le Donjons et Dragons des années 2000 en dessous de 4 grammes d'alcool. C'est une boîte de Pandore cinématographique. Moi, j'ai vu le premier au cinéma réalisé par Courtney Solomon avec Jeremy Irons dans le rôle du méchant, en compagnie de celle qui, depuis, est devenue mon épouse. Je sais même pas comment notre relation a pu se remettre de ça. Et tout aurait pu s'arrêter avec ce film, vraiment. Hein. Au premier rendez-vous, j'aurais laissé tomber une photo d'Éric Ciotti en string de mon portefeuille, ça aurait pas été pire. D'ailleurs, il y a plus terrible que voir un film à côté de quelqu'un qui mange du pop-corn, il y a voir un film à côté de quelqu'un qui déteste le film. Et là, je ressentais ces ondes. Et dire que ce film est une bouse, c'est manquer de respect à ce que produisent les vaches. Si vous voulez vraiment vous faire du mal, je sais pas, moi, manger des clous, acheter le livre de Ségolène Royal, enfin, faites un truc. Quoi. Donc rien à voir hein, avec le film qui est d'ailleurs sorti là, ces jours-ci et qui est arrivé sur nos écrans d'ailleurs, auréolé d'un très bon bouche à oreille lui. Hein. Oui, et c'est totalement mérité, car Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, est un très bon divertissement. Et ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est déjà énorme dans une industrie qui ne voit plus ses blockbusters que comme des prétextes à franchise, à placement de produits ou de références, à même de séduire des consommateurs déjà acquis à la licence. Moi c'est bien simple, j'en avais même oublié qu'Hollywood savait faire des vrais films avec une histoire, un début, un milieu et une fin. Un film où les personnages évoluent et interagissent comme de vrais humains et non pas comme s'ils avaient été coachés par ChatGPT. Ce film alors est avant tout très drôle, rythmé, porté par des acteurs charismatiques qui ont visiblement pris beaucoup de plaisir. Chris Pine, en barre de roublard et suave à la fois et toujours aussi charmant. Michelle Rodriguez, en barbare taiseuse, nous rappelle combien elle est charismatique quand elle laisse son gros chauve en Marcel, Vin Diesel de Fast and Furious à la maison. Roger Jean Page, l'être inhumainement beau de la série Bridgerton incarne un paladin héroïque et vertueux sans une once de second degré. Et c'est assez tordant, mais le gars est magnifique. Hein. Plus je le regardais, plus j'avais l'impression d'être Shrek qui se fait saler. Sans oublier Hugh Grant, que j'avais pas vu aussi heureux de jouer un méchant depuis l'ours Paddington 2. Paddington 2 étant un des plus grands chefs-d'œuvre du 21e siècle, mais vous n'êtes pas prêt pour cette discussion. Ah si, moi je veux bien que vous fassiez une chronique un jour là-dessus. Ça viendra. Mais surtout, les scénaristes et réalisateurs ont compris l'essence de ce qu'est le jeu de rôle Donjons et Dragons. Un immense terrain de jeu où ce qui compte vraiment, c'est surtout de savoir raconter une histoire. Et à l'intérieur même de ce film, les personnages en racontent des tas d'histoires, ce qui permet de découvrir toujours un peu plus l'univers foisonnant de Donjons et Dragons. Suivant le principe des poupées gigognes, on a droit à des mini-films dans le film. Car quiconque a joué un jour à un jeu de rôle sait que la réussite d'une partie dépend grandement de l'art de la narration du maître de jeu, mais aussi de son adaptation à ce que les joueurs y amènent. Le jeu de rôle D&D, c'est comme ça qu'on le surnomme, a toujours été depuis sa création dans les années 70 une plateforme vers l'imaginaire et l'art de conter des histoires. Depuis plus de 40 ans, des milliards de joueurs et joueuses sur la planète entière entretiennent le mythe D&D en écrivant leurs propres histoires et leurs propres fictions. Et dire que Donjons et Dragons est revenu à la mode grâce à la série Netflix Stranger Things, ça serait dire quelque chose d'aussi absurde que Stranger Things a aussi inventé Kate Bush et Metallica. Tout le monde connaît les livres dont on est le héros. Donjons et Dragons a inventé les histoires dont on est le conteur, Mathilde. Et ce film en a une bien belle à vous raconter. Frédéric Sigrist, juste un petit test là en studio. Qui a joué à Donjons et Dragons Moi, en version plateau petit. Moi aussi. Ouais, non, moi aussi. On est que deux. Ouais. On était très sérieux petit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, Anthony? On peut être sérieux, jouer à Donjons et Dragons. Une fois que les gens ont vu Donjons et Dragons, je les invite à aller voir Suzume de Makoto Shinkai. Voilà. Deuxième conseil. Frédéric Sigrist, on vous aime à la radio. On vous adore sur scène. Vous serez demain à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. C'est tout près de Royan. Absolument pas près de Niort. Hein, pour votre spectacle Super-Héros, c'est à 20h30 à la Salle Bleue.